J'ai beau me faire discret, ça parle de moi. Tant de mains, je meurs, qui sait, j'profite moi. J'ai beau me faire discret, ça parle de moi. Tant de mains, je meurs, qui sait. J'vis une drôle de life, le coach, j'ai toujours un taser, une matraque. Vous m'en voulez, baisse, vous baisse tout, j'vais prendre mes cliquets, mes claques en claquettes au quartier. J'ai traîné, j'ai goûté le bitume, j'ai signé, j'ai serré. On se trahit, on se critique et après on parle de ses mais c'est senior, l'œil ça va vite, mais c'est loin. Des putes, on s'éloigne, ce qui parle à ses lames. J'ai des insultes, des fantômes d'avance, pardon maman. Bonne de fils de, j'crois qu'on s'est croisés récemment. J'viens de voir un flash, flash, flash, et là ça monte. Grâce à moi, toi là, tu vas baiser toute la note. J'ai beau me faire discret, ça parle de moi. Tant de mains, je meurs, qui sait, j'profite de moi. T'as tous vu glisser, à faire le con. J'regarde derrière quand je vais pisser, parce qu'il y a plus de confiance. J'suis sous belle, mais des gifs, celle de l'évêque. Les bâtards ont les fois qu'on se balade au quartier en Y. Qui t'a dit que j'arrête? Les albums partent comme des bandes d'arrêtes. J'n'aime pas celui qui se la raque, toujours le même dans ma chambre, ça règle. J'vais vendre mon TDM, j'ai bien envie de me prendre une GS. Et t'chauffe pas le S, ils disent qu'elle est Schmitt sur le GPS. Joue les Totorina, tu finiras troué ou écroué. Et on connaît ta copine, touche la femme et on sera te retrouver. Ah, j'ai beau me faire discret, ça parle de moi. Tant de mains, je meurs, qui sait, j'profite de moi. T'as tous vu glisser, à faire le con. J'regarde derrière quand je vais pisser, parce qu'il y a plus de confiance. J'ai beau me faire discret, ça parle de moi. Tant de mains, je meurs, qui sait, j'profite de moi. T'as tous vu glisser, à faire le con. J'regarde derrière quand je vais pisser, parce qu'il y a plus de confiance.